Alors, de retour à Futur Simple sur CKRL au 89.1. Pour faire suite aux vertus du bouillon de poulet de Jean-Daniel, dont Jean-Daniel vient de nous parler, on va poursuivre l'émission avec Karine Gravel, maintenant docteur en nutrition, qui va nous parler de deux aliments d'origine asiatique. Bonjour Karine. Bonjour François. Donc le premier aliment dont je vais vous parler, c'est le poisson fugu, qui est consommé en grande partie au Japon par les Japonais. Mm-hmm. Puis le deuxième aliment dont je vais vous parler, c'est le biscuit chinois. Tout le monde connaît. Oui, exactement. Mais malgré son nom, ben désolé de vous l'apprendre, mais il n'a pas été inventé en Chine. Est-ce qu'on le mange en Chine aussi? Je vais vous dire ça plus tard. Okay, je le garde, je le garde. On garde ça en réserve. Alors, on débute avec le poisson fugu. Oui, c'est ça. Donc, je vais nous garder les biscuits chinois et les biscuits de sagesse pour le dessert. D'accord. Alors, le poisson fugu, lorsqu'il se sent menacé, il se gonfle d'eau. Et c'est pour cette raison-là qu'il est aussi appelé poisson globe. Donc, je ne sais pas si tu as déjà vu des images, mais ça devient là, vraiment très rond, comme une sphère, comme une boule avec des piquants. Okay. Donc, c'est très, ça prend une forme très différente. Puis aussi, là, une petite précision, bon, on dit le poisson fugu, mais en réalité, on devrait dire les poissons fugu, parce que fugu, ça désigne, ouais, c'est ça, c'est plusieurs genres et espèces. Alors, les poissons fugu sont surtout connus en raison de leur grande toxicité, je crois. Oui, le poisson fugu est même mortel. Oui. En fait, c'est le foie, les intestins, puis les gonades, qui sont les organes reproducteurs du poisson, qui contiennent la tétrodotoxine, qui cause une intoxication très grave, pour laquelle il n'y a pas d'antidote même. Donc, la tétrodotoxine, c'est une neurotoxine qui paralyse les muscles en bloquant les influx nerveux. Et ça finit par entraîner la mort qui survient là, normalement après 4 à 6 heures ou ça peut aller jusqu'à 8 heures. Donc, ouais, c'est ce que j'ai lu, non. Hein? Et puis, surtout qu'on n'a pas d'antidote. Oui, c'est ça. Ça peut être super plaisant. Donc, on ne meurt pas nécessairement, mais on peut être très gravement là, intoxiqué. Mm-hmm. Mais tout ça, ça ne donne pas le goût de risquer sa vie pour en manger. Mais pourtant, tu disais que les Japonais en mangeaient. Oui. En fait, c'est vrai qu'il faut avoir un certain goût du risque. Surtout que j'ai lu que le goût du poisson fugu n'était pas si exceptionnel que ça. Ah bon, parce que en plus, je me suis dit que ça doit être très bon, mais non. Il paraîtrait même que c'est un peu fade. Et par contre, on dit que la texture est particulière. Là, le particulier, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Oui, c'est ça. Ça, je ne sais pas. Mais, ça, c'est interprétable, ça. C'est ça. Mais comme c'est un poisson qui fait partie de l'histoire en raison de sa toxicité, il demeure quand même apprécié puis considéré comme un plat raffiné. Donc, c'est aussi important de savoir que la préparation du poisson fugu, elle est encadrée depuis 1984 au Japon. Donc, les cuisiniers qui en préparent doivent avoir reçu une formation, puis ils possèdent une licence là, qui est normalement affichée dans le restaurant, comme un genre de diplôme. Donc, à ce moment-là, les cuisiniers deviennent des chefs agréés dans la préparation du fugu. Et comment est-ce qu'ils font, en fait, pour retirer la toxine? Bien, il faut notamment enlever la peau, le foie, les intestins, les gonades du poisson. Et puis, la chair, elle est comestible. Donc, chair ne contient pas la toxine. C'est ça, exactement. Mais ce qui est particulier, c'est qu'on débute l'intervention, là, les parties enlevées, alors que le poisson est encore vivant. Donc, on peut visionner tout ça, d'ailleurs, sur YouTube. Mais bon, personnellement, j'ai trouvé que c'était assez intense à regarder. Mais bon, j'attribue ma grande surprise à nos différences culturelles, puisque au Japon, c'est une pratique qui est courante. OK. Autrement dit, on fait ça pour le spectacle. C'est pas nécessaire que le poisson soit vivant. Il y a une raison. Une raison par rapport à ça. Oui, c'est important d'enlever les parties toxiques. Oui. OK. Et le poisson, mais on le sert comment? Bien, généralement, il est servi en sashimi, qui est coupé en tranches là, tellement minces qu'on peut apercevoir même les motifs de l'assiette dans lequel il est déposé. Donc, on voit au travers. Là. Il est transparent. C'est ça. Mais d'ailleurs, on peut voir à quoi ça ressemble dans notamment une comédie coréenne qui s'intitule Le Grand Chef. Donc, j'ai écouté l'extrait qu'on voit aussi sur YouTube. Et après la dégustation du fugu, ben, tout le monde meurt. Nous autres, on trouve ça drôle. Hein? C'est ça. mais c'est une comédie. Là. Mais il existe aussi plusieurs films ou documentaires dans lesquels on peut voir la dégustation production de Fugu, mais personnellement aussi, la première fois en fait dans laquelle j'en ai entendu parler, c'est un épisode de l'émission Les Simpsons. Ah, c'était ouais? intitulé Un poison nommé Fugu. Ça date un petit peu, hein. J'avais 18 ans à ce moment-là. Puis Homer Simpson s'est empoisonné, puis il croyait que c'était terminé pour lui. C'est plus, éducatif qu'on le pense finalement, Les Simpsons. Oui, quand même. C'est, oui. Alors, on poursuit maintenant avec le biscuit chinois. Oui, en fait, il est parfois appelé ce biscuit-là biscuit de fortune. Donc, c'est un petit biscuit en forme de demi-lune qu'on craque hein, et qui contient un message. Donc, je disais un petit peu plus tôt, non, les Chinois ne le connaissent pas. C'est une invention américaine qui date du début des années 1900. Et au Québec, la fabrication des premiers biscuits date juste après la Deuxième Guerre de 1946. Et c'était et c'est toujours la compagnie là qui s'appelle Wings, qui est située dans le quartier chinois de Montréal, qui en fabrique. Donc, pour vous donner une idée de grandeur, c'est environ 12 millions de biscuits qui sont fabriqués là-bas à chaque année. Okay. Donc, j'avais une réunion à Montréal ce lundi dernier, puis j'en ai apporté. Donc, c'est toujours intéressant de lire qu'est-ce qui est écrit dedans. Donc, on va en profiter pour en craquer okay. et lire qu'est-ce qui est écrit dedans. C'est pas organisé tout ça. OK. Donc, c'est... Oups, j'ai l'impression... OK. Donc, on déballe nos biscuits, oui, c'est ça que vous le bruit, exactement. Entendez. Moi, je casse le mien. Oui. Alors, à toi l'honneur, on y va. Karine. Alors, vous rendez votre entourage heureux et confortable. Tiens donc, j'espère que c'est vrai. Il aurait fallu qu'ils mettent au féminin, par exemple, ça s'applique. Oui. Alors, moi, je vois... On vous trouve charmant. Oh, non, mais c'est vraiment le fun, hein? C'est les compliments ce soir. C'est bon pour l'estime. Donc, voilà. En 1946, les messages étaient rédigés à la main. Et il y avait une banque là, de 10 000 messages bilingues. Bien sûr, maintenant, les messages là, ben, ils sont imprimés, mais certains d'entre eux sont parfois mal traduits et contiennent des fautes de français. Je ne sais pas si ça, tu as déjà remarqué. Oui, mais est-ce qu'il en contient en anglais aussi? Ça c'est rare. Ouais, ça, moi, je n'ai pas un niveau d'anglais pour corriger les fautes okay. en anglais. D'accord. Mais en français, je les vois très, très bien. Mais d'après Wings, la compagnie là, de Montréal, il semble que ce soit voulu de conserver les fautes pour faire bon, plus authentique, pour faire sourire aussi. Mais moi, c'est sûr que personnellement, les fautes, ça me fait pas tellement sourire. C'est je pense qu'on aurait pu les corriger. C'est ça. Ça fait moins authentique aussi, je suis d'accord avec toi. Ouais. Puis on peut aussi faire des demandes spéciales à l'entreprise. Ça, c'est amusant. Par exemple, il y a déjà une bague de mariage qui a été insérée dans un biscuit chinois. Donc, il y a une dame qui a sans doute eu une belle surprise. Ben, j'espère. Alors, excuse-moi, j'ai la bouche pleine de biscuits concassés. Alors, tout à l'heure, tu as mentionné les biscuits de sagesse un peu plus tôt dans ta chronique. En fait, est-ce que c'est la même chose? Non, les biscuits de sagesse, c'est différent. D'ailleurs, ça, j'en avais pas entendu parler avant la préparation de cette chronique-là. En japonais, on dit les kuki. Ça s'écrit étrangement, hein? K-U-K-K-I-I. Ouais, ça fait. Donc, je sais pas si j'ai bien prononcé. Ça, ça ouais, c'est vrai, hein? C'est vrai, ça doit venir de là. Donc, ça, c'est des biscuits qui sont plus raffinés. Donc, notamment par leur emballage. Là, j'en ai pas vu, mais il semble que ce soit dans des boîtes plus jolies. Puis aussi, ils sont faits à partir d'ingrédients biologiques, de sirop d'érable. Les odeurs sont variées aussi, hein? Puisque le biscuit qu'on connaît, c'est toujours pareil, hein? Un petit goût de vanille, de sucre. Puis, leurs messages aussi sont des citations de personnalités célèbres, comme par exemple, on a Gandhi, Nelson Mandela. Donc, c'est un petit peu plus beau. Mais nous, on avait quand même des messages très intéressants. Oui, c'est un fait, oui. Bon pour l'estime de soi. Oui, c'est ça. Mais j'ai malheureusement pas de biscuits de sagesse à déguster. J'en ai pas trouvé lundi dernier. J'étais un petit peu pressée, mais j'en rapporterai là, une prochaine fois. Karine, comme il reste encore un petit peu de temps, oui. Finalement, ça s'est passé un petit peu plus vite que prévu. Si on venait un peu au poisson fugu, oui. En fait, est-ce qu'on a une idée, en fait, du prix pour un repas avec ce poisson fugu? Ah oui, là, on revient au poisson. Ouais. Oui, d'après ce que j'ai trouvé, déguster du poisson fugu dans un restaurant, il y a une chaîne là, de fugu au Japon, c'est mais vrai. Oui, qui s'appelle, là, je sais pas, je vais ressortir mon vieux japonais, Tora Fugutei. Ça coûte environ 5 000 yens, la monnaie japonaise, et ça équivaut à peu près à 52 $ canadiens. pour un repas, là, je sais pas c'est pour combien de personnes, ouais, là. Ouais, j'avais pas ces détails-là. Mais ça, c'est ce qui semble être le plus économique. Donc, autrement, ça peut être plusieurs dizaines de milliers de yens dans les grands restaurants. Donc, ce qui peut possiblement représenter, là, 500 $ là, ou même davantage, okay, pour déguster ce poisson-là. Donc, je sais pas si... C'est quand même pas donné, hein, pour un poisson toxique. Ouais, pour le risque. Avec un goût un peu fade. Oui, c'est ça, exactement. Donc, en tout cas. Est-ce que tu sais s'il y a certains restaurants à Québec ou même au Québec qui en servent? Je croirais pas. J'ai vu, par exemple, que bon, il n'y a pas juste au Japon, hein, qu'il y en a du poisson fugu. Il y en a aussi dans la Méditerranée. J'ai lu, mais c'est vraiment interdit, là, c'est banni. Ah, ouais. Même qu'à certains endroits en Chine, on peut en pêcher, mais les Chinois en mangent pas, ils l'envoient au Japon. Ah, OK. Pour qu'il soit traité là-bas. Exactement. Donc, chaque pays semble avoir des lois par rapport à ça, parce qu'à chaque année, il y a quand même des gens qui sont intoxiqués et qui peuvent même en mourir. Donc, ouais, c'est un fait. C'est à prendre au sérieux. C'est quand même sérieux. On joue pas avec voilà. ça. Voilà. Alors, merci beaucoup, Karine. Ça fait plaisir. À l'heure du souper comme ça, mais ça nous donne le goût de partir à la chasse aux biscuits chinois, surtout que le dessert se pointe à l'horizon. Là. Alors, on fait maintenant une courte pause musicale et on vous revient tout de suite après avec les effets des ondes radio, les radiofréquences sur la santé humaine.